le système que nous avons au collège, il y a une énorme autonomie. Moi, je n'apparais pas du tout comme un chef, j'apparais comme un conseiller. Je comparerais un peu ça, toute proportion gardée, à la situation qu'avait su construire le Japon à une certaine époque, où il y avait une autorité réelle qui était le shogun et où l'empereur avait un rôle de conseiller spirituel. Les cours du Collège de France par Meryl Meneghetti. S'il m'est permis d'interpréter à mon tour le Collège, je dirais que dans l'ordre des institutions, il est comme l'une des dernières ruses de l'histoire. Vous voici, comme chaque jour de cette semaine, conviés au cours du Collège de France, auquel s'associe France Culture pour partager une recherche en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit interdisciplinaire. Comment le talent est-il devenu la monnaie d'échange de la Silicon Valley, s'interroge le sociologue Pierre-Michel Menger. Quels sont les mots-clés associés à la notion de talent ? Quels sont les enjeux liés à l'introduction du vocabulaire de la compétence à partir des années 1980 ? Comment intervient l'argument de l'adaptabilité ? Et comment l'autonomie et la responsabilité liées au recrutement de talents deviennent-elles une marge et une injonction pour le salarié et pour son entreprise ? Quelle est la définition du talent dans le monde de la finance ? Pierre-Michel Menger, professeur au Collège de France, titulaire de la chaire de sociologie du travail créateur, directeur d'études à l'EHESS, poursuit son introduction générale à la grande série initiée en 2017 sous le titre « Qu'est-ce que le talent ? Élément de physique sociale des différences et des inégalités ». Alors que nous évoluons dans une économie globalisée de la connaissance, où le talent, comme notion et valeur, s'inscrit au cœur de ce changement d'échelle et d'emprise, le spécialiste du monde du travail, qui a dirigé de 1988 à 1995 le groupement de recherche consacré à l'analyse comparée de la valeur artistique en sociologie et en économie, revient sur les énigmes posées par le talent. Il rappelle la lancinante question, pour reprendre sa formule, de l'identification des facteurs responsables de la transformation des capacités prometteuses en capacité effectivement productive. Et le problème posé par le talent défini comme une combinaison de qualités dont on ne connaît pas le bon équilibre. Le sociologue s'interroge, comment peut-on faire alors d'une réalité impossible à définir substantiellement un enjeu stratégique susceptible d'alimenter des guerres ou des compétitions féroces pour se procurer ou débaucher des talents et comment peut-on en faire un objet de management ? Premiers éléments d'analyse ce matin. Et nous gagnons l'amphithéâtre du Collège de France le 2 mars 2018 pour le cours de Pierre-Michel Menger « Qu'est-ce que le talent ? Élément de physique sociale des différences et des inégalités ». Introduction, deuxième partie. À côté de la pression externe de la compétition par l'innovation et la productivité, il faut rappeler un fait complémentaire. Les grandes entreprises et a fortiori les multinationales qui sont de puissants vecteurs de la mondialisation de la talent currency s'organisent en marché de projet, allouent la main-d'œuvre aux équipes de projet et organisent la mobilité des cadres dirigeants, à proportion de leur potentiel au sein des filiales des groupes multinationaux. Luc Boltanski et Eve Chiappello, dans leur livre « Le nouvel esprit du capitalisme », avaient analysé l'incidence de l'organisation du travail en projet sur la qualification que j'appelle « capacitaire » des salariés. Comment peut-on les repérer en fonction de leur capacité ? C'est un des équivalents du talent. Et la notion pivot qu'ils identifiaient, c'est l'employabilité. C'est-à-dire ici, l'aptitude à passer d'un projet à l'autre qui dépend beaucoup de la réputation qu'accumule le ou la salarié au fil des séquences de travail par projet au sein de l'entreprise. Cette organisation par projet, elle est familière dans les arts et dans la recherche scientifique, et de fait, elle maximise la dynamique de ce qu'on appelle les appariements sélectifs, la formation des équipes sur la base de la réputation et de la qualité des performances et des réalisations accumulées par les membres de l'équipe. Cette organisation par projet insère en quelque sorte les individus dans des réseaux au sein même de l'entreprise, ce que Boltanski et Chiappello nomment un monde connexionniste. Et sans surprise, les qualités d'adaptabilité, de flexibilité et de prise de risque, vous vous souvenez de ma lecture d'après Armand Pouy-Guitarec de la parabole des talents, donc les qualités d'adaptabilité, de flexibilité et de prise de risque sont associées à la sémantique capacitaire du talent. Et nous le reverrons dans un tableau des définitions du talent que j'examinerai dans un instant. Tous ces mécanismes produisent une dynamique de hiérarchisation endogène, ordonnée selon le capital relationnel qu'accumulent les individus, selon leur position plus ou moins centrale dans des réseaux, et selon leur aptitude à occuper une position de leader dans une variété de projets, ou de contributeur décisif. L'employabilité n'est donc pas ici la disponibilité à occuper un emploi, comme on le penserait dans un lexique de type Pôle emploi, mais la disposition à s'insérer dans des projets et dans l'armature de leur réseau et la disposition à augmenter le potentiel formateur de l'activité, de son activité, en fonction de la qualité des projets auxquels on peut accéder. Comme chez les artistes qui travaillent au projet, cette organisation séquentielle et connexionniste de l'activité maximise les effets de réputation et d'accumulation auto-renforçante de la visibilité individuelle. L'employabilité, c'est un signalement de qualité susceptible de développement autant qu'une accumulation d'expérience au gré des projets réalisés. Ces traits organisationnels posent la lancinante question de l'identification des facteurs responsables de la transformation de capacités prometteuses. On cherche à identifier quelqu'un qui est prometteur, comme on dit à propos des hauts potentiels ou des individus à fort potentiel, de la transformation de ces capacités prometteuses en capacités effectivement productives. Comment faut-il donc manager et encadrer des talents? Quelle liberté et quelle capacité d'action, franchement autonome, faut-il leur laisser, comme les plus grandes entreprises de la Silicon Valley sont réputées le faire, en octroyant des conditions de travail attractives et des temps réservés aux projets personnels? Mais ce qui est vrai d'emplois techniques et scientifiques ou créatifs ne sera pas vrai d'emplois de direction ou de management. Nous avons toujours affaire à la même équation. Non seulement quelle combinaison de qualités fait la différence, mais encore sous quelles conditions la combinaison de ces qualités est-elle activée ou développée au mieux. Si on savait définir exactement les qualités nécessaires à la réussite, on pourrait évidemment inventer l'algorithme parfait pour détecter ces qualités, pour les développer et pour orienter très tôt les individus à l'école, dans le sport, dans les affaires, dans la politique, dans les arts, dans les sciences. Le développement de toutes sortes de technologies destinées à mesurer la performance et la valeur individuelle est particulièrement spectaculaire dans les sports. C'est ce qu'on appelle les sabermetrics. Et il y a toute une instrumentation de ce qu'on appelle les people or talent analytics qui a été inventée. Et son usage est maintenant préconisé, bien sûr, par les spécialistes du talent management. Il n'y a pas de raison de douter que des machines intelligentes peuvent s'employer à réaliser ces opérations. Elles pourraient bien, d'ailleurs, au demeurant, tâtonner moins et travailler plus vite que nombre de ces consultants simplement humains qui ne sont, après tout, comme dirait l'économiste et psychologue Daniel Kahneman, que des machines probabilistes au jugement bien imparfait et qui commettent beaucoup d'erreurs, comme on le sait. Ce scénario que je suis en train d'évoquer, il commence déjà à se voir dans des activités proches, en termes de niveau d'expertise protégé et certifié, que sont des professions juridiques et médicales. Le problème récurrent de la définition du talent indique bien que le talent est une combinaison de qualités dont on ne connaît pas le bon dosage et le bon équilibre. Surtout si l'on ajoute que ces qualités s'expriment conditionnellement à un domaine, à un environnement donné, et que leur développement connaît précisément pour ce motif une dynamique non linéaire. Le déroulement des carrières dans des activités où la valeur du talent est très sollicitée, par exemple celle des artistes et des sportifs, n'a rien de tranquillement et prévisiblement cumulatif. Il y a des passages à vide, il y a la pression qui est engendrée par la réputation elle-même qu'on peut détenir, il y a des situations de retrait provisoire, puis de retour risqué, il y a les épisodes maniéco-dépressifs. Tout ça est très bien documenté d'ailleurs. Nous savons beaucoup de choses de ces carrières dans les arts et le sport, car les actes de travail sont précisément publics. Et l'opacité de la boîte noire que constitue habituellement l'encastrement de l'emploi et du travail dans une organisation, cette opacité-là est réduite à son minimum dans ce cas des artistes et des sportifs. Un interlocuteur me confiait récemment qu'un des plus grands pianistes actuels, ce qu'on appelle un des plus grands talents de la musique classique, qui est couvert de récompenses dans ses compétitions pour les talents, ce pianiste donc, qui est au sommet de la gloire est littéralement de plus en plus terrorisé par chacun de ses concerts, bien au-delà du simple trac de l'artiste. Donc, ce que j'appelle, dans le sous-titre d'un de mes livres, « S'accomplir dans l'incertain », c'est-à-dire suivre une trajectoire non linéaire, a certainement ses gratifications, on s'accomplit, mais aussi son prix. Et la variabilité des états et des performances de l'individu qui est ainsi exposé a aussi suscité le déploiement d'une ingénierie du coaching dont l'expansion est sans précédent. Et cette ingénierie a d'ailleurs suscité elle-même, très normalement, son élite de praticiens talentueux. Ces indices signalent simplement que la composition des qualités qui sont requises dans des activités qui valorisent fortement le talent et la variabilité de ces combinaisons de qualités selon les situations et les épisodes du cycle de vie créent des complexités qui dépassent le simple problème ou le simple espoir de la détection quasi algorithmique des facteurs idéalement complémentaires qui forment ce tout indéchiffrable qu'est le talent. Les directions du management des talents dans les entreprises ont fort à faire, non pas simplement pour détecter puis recruter des talents, mais encore pour les développer et pour les retenir. Si ces personnels talentueux d'une firme le sont vraiment tellement, ils devraient déjà avoir été débauchés. Mais il serait aussi trop simple de supposer un individu idéalement transférable d'un environnement à l'autre, d'une entreprise à l'autre, d'un club à l'autre, d'un laboratoire à l'autre. Et j'énumère ici des métiers dans différents mondes où cette mobilité des talents est très sollicitée. De nombreux travaux examinent si la mobilité des talents n'aboutit pas à des solutions sous-optimales, pas efficaces. Et ces travaux montrent aussi comment la concentration d'individus très performants obéit à ce qu'on peut appeler une loi du rendement marginal décroissant. Au-delà d'un certain point critique ou d'une certaine valeur critique, plus c'est moins bien. Abondance de données disponibles oblige, l'étude des équipes scientifiques ou celle des équipes sportives fournissent des illustrations tout à fait éloquentes et plus aisées à analyser que la performance en entreprise de ce que je viens d'évoquer. Et donc, j'en reviens à une question qui est un peu un leitmotiv, mais on peut progresser aussi comme ça. Comment peut-on faire d'une réalité impossible à définir substantiellement un enjeu stratégique susceptible d'alimenter des guerres ou des compétitions féroces pour se procurer ou pour débaucher des talents ou tout simplement pour les recruter? Et comment peut-on en faire un objet de management? Dans la littérature de recherche, comme dans celle qui est produite par les consultants, article après article, synthèse après synthèse, chacun se plaint de l'absence d'une approche cohérente de cette question. Je vous livre ici un échantillon de définition tirée d'une des nombreuses revues de littérature sur cette notion de talent, comme on en voit dans les revues de management et de psychologie. L'article dont je tire ces données, ce tableau, s'intitule « What is the meaning of talent in the world of work ?» Il est dû à Eva Gallardo, à Nikki Dries et à Thomas Gonzalez Cruz. Et il est paru dans Human Resource Management Review en 2013. Et donc, vous avez ici une énumération des définitions. Je vous montre les différentes parties de ce tableau et les sources dont les tableaux sont extraits. On part de l'année 2000 et on va jusque dans les années 2010. Et je vais vous donner tout de suite, en quelque sorte, le compilateur de ces données, c'est-à-dire les mots-clés qui sortent systématiquement dans les différentes définitions et qui sont associés au mot talent. Vous en avez là la liste. C'est celle qui peut-être est le résumé le plus efficace des données que je présentais juste à l'instant. Et je voudrais commenter ce tableau des mots-clés qui ressortent et qui sont associés au vocabulaire du talent pour faire deux remarques importantes, qui me semblent importantes. D'abord, la liste de ces mots-clés associés au talent fait ressortir des termes clairement dispositionnels comme capacité, capacity, capability, potential, et des termes dont la signification s'en rapproche beaucoup dans la langue anglaise, en tout cas, skill et competence. Skill en anglais, c'est the ability to do something well. Et on lui donne comme équivalent aussi expertise. Et la liste des synonymes qui sont donnés par le English, Oxford American Dictionary of English, cette liste de synonymes dit expertise, skillfulness, expertness, adaptness, adroitness, deftness, dexterity, ability, prowess, capability, aptitude, artistry, virtuosity, talent. Et le terme competence, lui, dit « the ability to do something successfully or efficiently » et les équivalents « capability, ability, competency, proficiency, accomplishment, expertise, prowess, mastery, talent ». Vous voyez qu'on est dans un univers sémantique où il y a beaucoup de porosité. Je vais m'arrêter un instant aux mots et au vocabulaire de la compétence parce que ce vocabulaire fait partie de la rénovation des labels attribués aux qualités des travailleurs à partir des années 80, celui qui a succédé, ou principalement les années 80, celui qui a succédé au vocabulaire des qualifications. Et je vais un peu m'arrêter sur cette affaire parce que le talent se situe exactement dans cette droite ligne, en quelque sorte dans cette histoire ou cette généalogie des notions qui servent à qualifier les individus au travail. L'étymologie du terme de compétence mérite d'être examinée. Le dictionnaire que j'aime consulter, le dictionnaire général de la langue française d'Armstetter et Hatzfeld, qu'on trouve évidemment sur Internet, indique ceci. Compétence, c'est d'abord attribution à quelqu'un de ce dont il a le droit de décider en vertu d'une autorité légale, compétence d'un tribunal, ou en vertu d'une connaissance approfondie de la matière, la compétence d'un expert. Et un deuxième sens que Darmstadter et Hatzfeld disent, un sens vieilli, indique action de se mettre sur les rangs en même temps qu'un autre pour obtenir quelque chose. C'est une dimension intéressante qu'il faut retenir. Ce second sens se retrouve dans la sémantique de la compétition, puisque le mot « compétition » dérive lui aussi du même verbe « competere ». J'ai consulté en bon chercheur ou apprenant le GAFIO, le dictionnaire latin-français, qui dit ceci à propos du verbe « competere », se rencontrer au même point, s'accorder avec, convenir et, plus rarement, chercher à atteindre ensemble ou rechercher concurremment. Suivant la diffusion du lexique de la compétence dans le monde du travail, des professions et des organisations, il y a comme un air de famille avec la diffusion de la notion de talent. Je vais m'appuyer ici à la fois sur des travaux personnels. J'ai publié un chapitre dans un ouvrage collectif qui s'appelle « Innovation et performance » qu'ont dirigé Dominique Fauré et Jacques Mérès. Et je m'appuierai aussi sur une excellente notice du sociologue Yves Lichtenberger dans une encyclopédie des ressources humaines qui est parue en 2006 chez Vuibert et qui est consacrée précisément à cette notion de compétence. Je rappelle d'abord que dans les années 60 et 70, le vocabulaire dominant pour spécifier la relation entre les caractéristiques d'un salarié ou d'un candidat à un emploi salarié ou d'une salariée et celle de son emploi, le vocabulaire, c'était celui de la qualification. Autrement dit, une somme certifiable de connaissances requises pour occuper un poste de travail déterminé. C'est un instrument d'homologation des connaissances et des aptitudes, mais c'est aussi un vecteur de l'appariement entre les attributs des travailleurs et les caractéristiques des postes de travail. Cette notion de qualification s'est maintenue dans un système taylorien de production et d'organisation du travail industriel, qui était dominé par une volonté de rationalisation très poussée de la division des tâches individuelles et aussi par un taux élevé d'emploi ouvrier. Le poids était encore prépondérant du secteur secondaire et il y avait un idéal accessible du plein emploi. Tout ceci circonscrivait les relations de travail à des enjeux d'optimisation et de coordination entre les occupants relativement substituable de postes de travail. Dans un contexte de croissance régulière des formations diplômantes de l'enseignement supérieur, la valeur prédictive du diplôme pour l'employabilité était forte et la concurrence pour l'accès à une hiérarchie univoque de postes était aisée à organiser sur la base d'une description standardisée des savoirs et des savoir-faire à acquérir et à mettre en œuvre. Mais la qualification apparaissait donc comme un descripteur essentiellement statique du capital humain requis et acquis. Le vocabulaire de la compétence qui s'est imposé à partir des années 1980 a, lui, des caractéristiques très différentes. Les compétences ont été invoquées avec l'émergence de nouveaux paradigmes du travail industriel. La fameuse séquence causale linéaire qui va de formation initiale, emploi dans un poste situé dans une hiérarchie, accumulation d'expérience par ancienneté, c'est progressivement compliqué pour les emplois dont l'occupation requiert de l'individu des capacités non spécifiées dans la définition du poste. Cette causalité plus complexe servait à désigner un processus dans lequel une activité peut en quelque sorte, enrichir en formation et en apprentissage l'individu qui, en accomplissant les tâches de son travail, dépense certes son énergie, mais ne consomme pas ses savoirs acquis au départ comme s'il s'agissait invariablement d'un stock dont le volume et la valeur seraient fixés à l'origine, à la sortie de la formation et à l'entrée en emploi, et qui ne peut que se déprécier avec le temps. Le vocabulaire des compétences se référait, lui, désormais à des connaissances, mais aussi plus encore à des dispositions dont l'identification, la mobilisation et le développement étaient jugés indispensables à la productivité de l'individu et à la compétitivité de l'entreprise. Parmi ces dispositions figurait la capacité d'apprendre, autrement dit, la capacité de transformer le capital d'expérience accumulé en emploi en un investissement. Ce qui signifie que le travail doit, sous les conditions appropriées de son organisation, non seulement produire les résultats attendus de l'exécution des tâches, mais aussi agir comme une boucle de rétroaction causale pour permettre aux salariés d'élargir le répertoire de ses capacités. Et vous avez compris que ce vocabulaire des capacités figure dans le champ lexical étymologique de la notion de compétence. Évidemment, l'importance prise par cette thématique des compétences n'était pas indépendante du déplacement du centre de gravité de l'activité économique, le secteur tertiaire constituait assurément un terrain fertile pour la rénovation des conceptions de la qualification et la migration vers la notion de compétence. Les innovations technologiques d'une part et les nouvelles techniques d'organisation du travail d'autre part requéraient non seulement des connaissances techniques accrues, mais aussi des aptitudes plus générales, aptitudes à la polyvalence, à la coopération interindividuelle, à la gestion de problèmes organisationnels. Je l'ai indiqué en rappelant les travaux de Boltanski et Chiappello. Dans son article, Yves Lichtenberger fait apparaître les points suivants. Le terme de compétence, comme celui de profession, a longtemps été réservé à l'exercice d'activités, notamment les activités libérales, qui sont fondées sur l'autonomie du jugement et de l'action. Il s'agit de professions indépendantes et expertes. En étant transportées dans l'univers salarial, les compétences conservent cette dimension, mais pour l'appliquer à l'emploi qualifié, de manière à faire émerger ce que, d'une certaine manière, la rationalisation du travail industriel s'était ingéniée à réduire, à savoir ce qu'on peut appeler la professionnalité des travailleurs, leur initiative, leur responsabilité, leur autonomie. Mais ça n'est pas ici la simple irruption d'une conception en quelque sorte welfariste du travail. C'est bien un objectif de rehaussement de la productivité du travail. Valoriser ces dispositions et ces conditions de responsabilité élargie et de plus grande autonomie en étant moins réductrices de l'individu sont aussi le levier de l'accroissement des performances de l'organisation dans un contexte de compétition plus ouverte et plus intense dans l'économie. Deuxièmement, l'une des traductions directes de l'introduction du vocabulaire de la compétence peut être lue dans cette double signification du terme « droit de décider en vertu d'une connaissance approfondie de la matière », mais aussi « différenciation de la main-d'œuvre au regard des objectifs de compétitivité ». Lichtenberger cite un propos d'un psychologue de l'éducation et du travail, Gérard Verniaud, qui dit « L'idée de compétence conduit à mettre le doigt sur ce qui fait la différence, entre guillemets, entre un individu et un autre, entre une équipe et une autre, entre une entreprise et ses concurrentes. » Et, commente Lichtenberger, « sans qu'on sache forcément en distinguer l'origine ou la raison. » Et Lichtenberger poursuit « En ce sens, dans la plupart des disciplines, le concept de compétence a d'abord une valeur exploratoire. En psychologie cognitive, en sciences de l'éducation, en ergonomie comme en économie ou en gestion, il est constitué comme un artefact dont on cerne l'existence au travers d'une performance individuelle et collective. Cela explique pourquoi le terme peut la plupart du temps être employé sans être défini. Ça vous rappelle quelque chose ? Et pourquoi la plupart des définitions ont un caractère descriptif qui l'emporte sur leur précision théorique. La compétence se définit selon la visée opératoire de l'auteur qui l'emploie, d'organisation du travail, de formation, de gestion de l'emploi, de négociation de sa reconnaissance. Et pourtant, au-delà de ces regards particuliers, c'est bien la même réalité qui est évoquée, celle d'une implication accrue des salariés dans les finalités de leur travail, celle d'une reconnaissance de la façon particulière à chaque individu de combiner ses ressources pour faire face à des problèmes et à des situations complexes. Dans ce brouillard sémantique, mais qui a des fonctions et qui ne fait que décevoir ceux qui cherchent la précision et qui ne se contentent pas des leçons de l'à peu près, pour citer un ouvrage fameux, Lichtenberger distinguait quatre noyaux de signification, capacité, évaluation, habilitation, engagement. Je ne m'arrêterai qu'au premier. La capacité équivaut à une aptitude générale à effectuer une tâche et nomme ce bloc des ressources de l'individu et aussi des ressources de son environnement de travail qui sont mobilisées pour accomplir au mieux les tâches à réaliser. Le vocabulaire capacitaire de la compétence incorpore nécessairement un environnement de conditions plus ou moins favorables auxquelles s'agister ou résister, exactement à la manière dont le lexique du talent incorpore les conditions propices au déploiement de la capacité et au développement d'une aptitude ou, comme dirait la parabole, la disposition à prendre ses risques. Et donc, cette élaboration de la notion de compétence a débouché sur l'argument de l'adaptabilité. La difficulté que nous avons rencontrée déjà pour cerner la notion de talent ressurgit donc ici sans surprise, puisque l'origine capacitaire des notions est similaire. Puisqu'une aptitude ou une capacité ne se décrit pas sans que soient spécifiées les conditions de sa mise en œuvre et de sa stimulation, le cercle méthodologique n'est jamais loin. La compétence s'observe dans le résultat, dans la performance obtenue, qu'on parle de réussite de l'activité effectuée ou du degré d'habileté atteint. Henri Pierron, qui a enseigné ici au Collège de France entre 1923 et 1951 la psychologie, écrivait à propos des aptitudes, en la matière, je cite, « c'est l'outil de mesure qui détermine la réalité de la chose ». Notons que la qualification était elle-même d'ailleurs une notion capacitaire, mais dont la mise en œuvre était standardisée. Les grilles de classification des emplois qui ont été inventées après-guerre en France, dites grilles Parodi, ont pu d'ailleurs s'accorder aisément avec la sémantique des qualifications. Les aptitudes requises des individus y étaient essentiellement commensurables. La grille des qualifications était hiérarchique, mais aussi homogène, car la hiérarchie était engendrée par une métrique simple et par un ajustement spécifiable a priori entre un poste et les savoirs requis pour l'occuper. La capacité du travailleur qualifié était déterminée à l'origine dans le contrat de travail qui prenait appui sur une convention simple de mesure. Toute l'architecture des emplois et des négociations collectives s'y est massivement référée. L'organisation en passant contrat de travail avec l'individu sur la base d'une métrique stable et définie a priori de ses capacités requises et attendues dans un poste de travail devait donc aussi fournir les ressources nécessaires à la mise en œuvre linéaire, prévisible, de ces qualifications capacitaires. Par contraste, la dimension capacitaire de la compétence dit tout à fait autre chose. La compétence est différenciatrice, individualisatrice et contextualisée. Son évaluation est par définition contingente, empreinte des caractéristiques contextuelles de son appréciation, à commencer par celle de la comparaison interindividuelle, puisqu'il est question de différence, mais sans critères invariables et acontextuels de comparaison. Et le profil de la compétence est évolutif, l'individu est conçu comme une totalité en développement dont les potentialités sont actualisées selon la nature des tâches, selon la valeur formatrice de leur degré de routine ou de non-routine et selon la valeur sécurisante de leur prévisibilité. Et là, le contrat d'emploi n'est pas établi sur une adéquation stable entre un poste et des capacités, mais sur un engagement réciproque. L'employeur doit fournir les moyens et les tâches propres à permettre au salarié de se développer et d'apprendre, et le salarié doit s'engager dans des situations de travail qui augmentent sa capacité d'apprentissage, risque d'erreur et d'échec compris, ce qui est un problème en soi, la tolérance à l'échec ou à l'erreur. L'autonomie et la responsabilité inhérentes à l'activation d'une logique de compétence peuvent être vues comme une demande du salarié, mais aussi comme une demande de l'employeur. C'est une marge et une injonction. Mais l'équilibre entre ces deux perspectives symétriques sur l'autonomie d'action, contenue dans le vocabulaire de la compétence, est logé dans un contrat de subordination et de prescription du travail et de la performance, c'est le cas, c'est la définition du salariat, et non pas dans une situation juridique statutaire d'indépendance, alors que, comme on l'a vu, la notion de compétence est ancrée à l'origine dans cette combinaison d'autonomie juridique, d'expertise et d'habilitation juridiquement protégée. Plusieurs arguments ont affleuré dans la discussion que je viens de mener sur la notion de compétence. Ces arguments paraissent suggérer que, au fond, la notion de talent pourrait bien n'être qu'un autre mot pour le même problème. Il se pourrait que le talent, comme dit un article récent de Briner, le talent ne soit qu'un des nombreux mots à la mode des ressources humaines qui se sont glissés dans notre conscience collective. Est-ce qu'il faut approuver ou non ? Je vais laisser pour l'instant la réponse en suspens. Le Collège de France et France Culture vous présente le sociologue Pierre-Michel Menger, « Qu'est-ce que le talent, élément de physique sociale des différences et des inégalités ?» Aujourd'hui, introduction. Et j'en viens à mon second commentaire sur le tableau que je vous ai présenté tout à l'heure concernant les termes associés au vocabulaire ou à la notion de talent. Il y a deux notions, ou groupes de notions, vous les voyez encore ici, qui paraissent se distinguer. Knowledge et patterns of thought, feeling or behavior. Les modes de pensée, de sensibilité ou de comportement qui peuvent être appliqués productivement constituent une définition si générale qu'on peut évidemment s'inquiéter de son pouvoir définitionnel, à moins de considérer que le talent doit être une qualification inclusive, non séparatrice, comme elle peut l'être aujourd'hui de plus en plus, et que sa définissabilité est elle-même un obstacle à la plasticité de ses usages ou des injonctions et évaluations qui s'en réclament. Cela dit, le facteur de knowledge, c'est-à-dire de savoir ou de connaissance qui est associé au talent, en fait, on peut bien sûr y voir une sorte d'évidence de sens commun, comme celle qui établit la relation de complémentarité entre un facteur substantiel, le savoir, à valeur productive, et des dispositions, des capacités. Mais ce qui est plus intéressant, et qui rapproche cette définition du talent de celle des compétences, en tout cas sur ce point, c'est l'argument d'une combinaison de ressources qui sont décrites soit comme une addition ou comme une multiplication. J'en reviendrai à cette distinction entre addition et multiplication. Elle m'occupera beaucoup quand j'en viendrai à la modélisation de ce que contient cette boîte noire du talent pour conclure mon cours. Mais ici, cet argument d'une multiplicité de facteurs qui agissent en synergie est à la fois une manière d'enrichir la description, même si elle est très sommairement énumérative, de ces caractéristiques qui sont recherchées dans le talent, mais aussi une manière d'incorporer les différentes dimensions de ce que contient l'individualisation des qualités qui sont désignées par le talent, ces fameuses « hard skills » et « soft skills », comme on les appelle aujourd'hui dans le vocabulaire contemporain des analyses du travail qui s'est beaucoup répandu. Alors, au total, la lecture de ce tableau que j'ai commenté, y compris dans sa synthèse, et dans lequel j'ai essayé de mettre un peu d'ordre, et la rapide étude de la notion de compétence, telle qu'elle a été séparée de celle de qualification, ont fait apparaître la prégnance du vocabulaire des dispositions. Le recours à la notion du talent constitue une avancée supplémentaire dans ce qu'on peut appeler, ou ce que j'appelle, la définition capacitaire des personnes. En tirant parti de l'histoire longue de la notion, qui remonte à la parabole des talents, de son exceptionnelle charge critique et contestataire au XVIIIe siècle, le talent était l'arme de guerre brandie contre les privilèges de l'Ancien Régime. Et en raison de son ancrage remarquable dans un certain nombre de domaines d'activité qui sont admirés et célébrés pour les réussites exceptionnelles qui donnent leur lettre de noblesse à César, pas les Césars, mais César, les arts, les sciences, auxquels il faut ajouter aujourd'hui certainement les sports, le vocabulaire du talent a en outre incorporé une culture des écarts spectaculaires de réussite et de gratification, matérielle et symbolique, économique et sociale. En ce sens, le vocabulaire du talent diffère réellement de celui des compétences, et pourtant il part d'une sémantique commune des capacités et des dispositions. Est-ce que je transporte simplement la difficulté de l'indéfinissabilité du terme de talent à une autre zone d'inconfort qui est celle où nous place des notions comme celle de disposition dont la signification peut être elle-même vague, imprécise ou fuyante? On l'a vu, la notion de talent s'inscrit dans un large éventail de concepts tels que potentiel, capacité ou compétence, ou encore dans des équivalents qui ont été recherchés pour le mesurer, et je vais en parler tout de suite. Beaucoup de recherches dans les disciplines dont j'ai déjà parlé, l'économie, la psychologie, les sciences de l'éducation, tendent à traiter ces concepts comme des notions interchangeables. En soutenant qu'une notion aussi holistique que le talent ou la compétence ne peut être rapprochée que par des indices ou des caractéristiques imparfaits, autrement dit par des termes approximatifs. Mais je vais suggérer que le nœud du problème est ailleurs et il faut faire pivoter la perspective. L'écart que j'ai souligné entre la réorientation massive des entreprises du côté des talents et le développement du marché du conseil en gestion des talents d'un côté et l'indéfinissabilité de l'objet talent de l'autre ne peut apparaître dysfonctionnel que pour ce qui oublie tout simplement que ce qu'introduit la sémantique du talent, non pas une mesure des acquis individuels dans la gestion de soi ou des personnels par l'état d'adéquation entre ce qu'on sait et ce qu'on doit faire dans un emploi, mais une technologie de gestion entièrement orientée vers l'anticipation et le calcul probabiliste. Ce que l'individu peut signaler de ses compétences et de ses réalisations passées peut assurément renseigner l'employeur ou celui qui travaille avec lui, mais à la manière d'un simple indice de réputation qui motive un raisonnement par extrapolation. Et ce que peut le talent, en termes de chances de développement, en termes de contribution à la création de valeurs économiques ou sociales, et en termes de rémunération, varie en fait directement avec les contextes et avec les transformations incessantes de ces contextes. Je vais prendre l'exemple d'un travail qui a été mené sur la valeur croissante du talent dans l'industrie financière. C'est un article qui est en cours de publication et dont il existe un draft accessible sur Internet de deux auteurs, Claire Sellerier qui est à l'université de Zurich et Boris Vallée qui est enseignant à la Harvard Business School Ils se sont donc intéressés à l'avantage salarial procuré par l'industrie de la finance. Les travaux de ces deux auteurs sur le sujet qu'ils traitent s'appuient sur des données empiriques qui couvrent la période 1980-2011 et qui donc incorporent les effets de la crise de 2008. Et leurs estimations économétriques montrent que le rendement du talent, on va voir comment il est défini, a été multiplié par 3 dans le secteur financier entre 1980 et 2011, et que logiquement, ce bond s'est accompagné de l'orientation d'une part croissante d'individus présumés talentueux vers la finance. Si on actualisait de tels travaux, ils montreraient sans doute que aujourd'hui, les hautes technologies, les activités de recherche et développement et leur écologie entrepreneuriale ont commencé à concurrencer sérieusement l'industrie financière pour attirer les talents. Avec Claire Sellerier, donc, qui est universitaire, Boris Vallée, co-auteur de l'article, a une caractéristique intéressante. C'est un ancien salarié d'une banque d'investissement qui était basée à Londres. Ensuite, il est allé étudier à HEC avant de devenir, comme je l'ai dit, enseignant à la Harvard Business School. Et ils voulaient tous les deux comprendre le fait suivant. Si un banquier travaille 20% de temps supplémentaire qu'un autre professionnel dans une activité très qualifiée, comment se fait-il qu'il puisse gagner 10 fois plus? Et donc, pour résoudre le problème, les auteurs doivent résoudre d'abord l'énigme habituelle. Comment définir et mesurer le talent pour comprendre ces disproportions salariales? Alors, l'analyse est conduite ainsi. Je vais la reformuler en partie dans mon vocabulaire, mais je suis fidèle à leur démonstration. Une bonne approximation du talent, de ce qui constitue le talent comme un capital de savoir, mais aussi comme une disposition et comme un signal recherché par le marché du travail, peut être trouvée dans la réussite à des études à forte intensité d'efforts et à forte sélection compétitive. Il se trouve que la scolarité dans les classes préparatoires aux grandes écoles d'ingénieurs et l'accès sur concours à ces écoles d'ingénieurs offre la double caractéristique de sélection méritocratique par concours, complémentaire d'une intensité d'effort qui est sensiblement supérieure à l'intensité d'effort dans les études universitaires. Cette intensité d'effort est attestée dans les enquêtes sur la vie étudiante dont on dispose et qui documentent régulièrement le temps donné aux études par les étudiants dans leur vie d'étudiant. La particularité du système français des grandes écoles, c'est qu'elle constitue un vivier de candidats qui sont hiérarchisés par leur réussite au concours à la fin de leur scolarité dans les classes préparatoires. Et l'information est très complète sur ce mécanisme qui s'apparente à ce qu'on peut appeler un rouage d'horlogerie sélective. Sellerier et Vallée créent une première composante de leur variable du talent à partir de ce fonctionnement de l'architecture hiérarchisée qui apparie les étudiants et les écoles. De la manière la plus simple, les étudiants le mieux classés au concours rejoignent les écoles les plus réputées, c'est-à-dire celles qui sélectionnent exclusivement les étudiants les mieux classés. Et la distribution des flux s'opère ainsi en cascade descendante. Ici, vous avez un tableau qui vous classe. Il y a 218 écoles, donc il y a une belle population d'écoles d'ingénieurs, et qui classe les écoles en fonction de leur taux de sélectivité. Vous voyez que l'école polytechnique admet 1,5% des étudiants qui se sont présentés et, ou du moins, peu sélectionnés dans la liste les 1,5% de ceux qui sont les mieux classés. Et l'école de Limoges, qui se situe au bas de la hiérarchie, elle est la moins sélective de toutes. Et donc, un proxy du talent, ça peut être la mesure de la position de la hiérarchie de ces écoles en fonction de la sélectivité qu'elles pratiquent. Les deux chercheurs exploitent ensuite des informations complémentaires sur l'origine sociale des individus et sur le fait d'avoir des parents qui ont été actifs dans le même secteur qu'eux ou pas, sur le sexe, la nationalité, le statut familial, l'âge à la sortie de l'école, l'âge de diplomation. Et on sait que la précocité peut être interprétée éventuellement comme un indice supplémentaire de qualité talentueuse, comme on dit. On reviendra sur ce problème quand on parlera des mathématiciens et de l'armature des concours, y compris des Olympiades de mathématiques, qui cherchent à détecter des talents précoces. Les auteurs utilisent ensuite des données d'insertion de carrière professionnelle et de rémunération qui ont été produites et qui sont produites par une fédération qui s'appelle Ingénieurs et Scientifiques de France, ex-Conseil National des Ingénieurs et Scientifiques de France. Ça fait très sorti de la guerre. Et donc, ça a été rebaptisé Ingénieurs et Scientifiques de France. C'est une fédération de 122 associations d'anciens élèves d'écoles d'ingénieurs, d'associations scientifiques, techniques et professionnelles, etc. Cette fédération réalise chaque année, pour son observatoire de l'emploi des ingénieurs diplômés, une enquête à partir de données recueillies auprès de 45 000 ingénieurs qui sont représentatifs des 722 000 ingénieurs diplômés en France de moins de 65 ans. Et de cette base, les auteurs qui y ont eu accès extraient des informations sur l'expérience professionnelle, le métier exercé, le type et la taille de l'entreprise dans laquelle ils travaillent, le niveau de responsabilité, évidemment le secteur, le niveau de responsabilité hiérarchique exercé, le lieu de travail. Au total, les auteurs ont compilé des données de carrière et de rémunération sur 325 000 enquêtés. Alors, qu'est-ce que donnent les résultats ? Les résultats disent ceci. D'abord, le choix de l'industrie financière à la sortie des écoles d'ingénieurs est de loin le plus lucratif. Et la décomposition par fraction de la distribution, donc par décile et par période, montre que cet avantage de l'emploi de ces diplômés dans la finance existe à tous les niveaux de salaire, mais qu'il est d'autant plus grand qu'on s'élève dans la hiérarchie des salaires et même cet écart se creuse sur la période en augmentant spectaculairement dans les années 2000. En moyenne, c'est un multiplicateur de 3 dans la finance par rapport aux autres secteurs. C'est un multiplicateur qui s'est d'ailleurs maintenu après 2008 à caractéristiques individuelles contrôlées. Deuxièmement, une décomposition plus fine montre, alors elle se fait par secteur. La finance paye mieux que le conseil et mieux que l'industrie pétrolière et l'industrie chimique et enfin mieux que la moyenne des emplois détenus dans l'économie tout entière par ses diplômés. Mais ces écarts sont relativement faibles pour les diplômés des écoles moins sélectives et qui ne figurent en tout cas pas parmi les 20% des meilleurs à partir desquels la situation se décante et se différencie nettement. Et évidemment, elle augmente encore spectaculairement dans le haut de la distribution. J'en viens au dernier graphique que j'emprunte à ces deux collègues. Il est possible de procéder à une décomposition de l'avantage salarial obtenu à la finance en fonction de la contribution causale des différents facteurs qui agissent pour produire cet avantage salarial. Et le facteur du talent capte, tel qu'il a été défini par les auteurs, capte l'essentiel de l'effet causal, qui figure ici en totalité. Et le talent en présente une fraction. Ensuite vient l'expérience, qui indique qu'il y a un avantage à accumuler de l'expérience dans l'industrie financière qui est plus élevé qu'ailleurs. Et ensemble, ces deux facteurs indiquent la présence d'un mécanisme cumulatif, d'avantage cumulatif. L'avantage procuré par un diplôme initial est d'autant plus grand que sa valeur est plus élevée. Et le rendement de ce diplôme augmente avec l'expérience, c'est-à-dire qu'on occupe des emplois mieux payés et on obtient des chances de progression plus élevées dans la hiérarchie des emplois. Alors, ce qui est intéressant, c'est quelle est l'explication qu'on peut donner de cet avantage salarial en dehors d'une explication par des normes, par des habitudes, par ce qu'on pourrait appeler une past dependency, c'est-à-dire c'était comme ça déjà et ça ne fait que suivre un cours des choses. Les accords collectifs sont là pour rappeler des seuils, etc., etc. Tout ce qui est dans l'histoire même d'un secteur donné peut agir de cette manière-là. Mais il y a une autre explication qui est plus intéressante, qui est celle de ce qu'on appelle la scalability, ou en français, comme on a peu d'imagination, on appelle ça la scalabilité. Je ne connais pas l'équivalent. Cette notion vient en fait de l'informatique et des télécommunications. La notion dit, c'est la capacité d'un système ou d'un réseau ou d'un process à manipuler une masse croissante de données, de travail, de matière à processer. Et c'est son potentiel à croître pour accompagner ce mécanisme de croissance. Et la scalabilité appliquée au domaine de l'économie implique qu'une industrie ou bien une entreprise a les moyens d'augmenter l'impact de son business model, de son modèle d'affaires, pour grandir. Autrement dit, elle a une facilité à grandir à partir d'un certain nombre de caractéristiques qui lui sont spécifiques. C'est en quelque sorte son potentiel de croissance qui figure dans cette notion. Et appliquer à la population de ces talents de la finance, l'argument est que quelqu'un qui est jugé talentueux est amené à travailler sur des projets plus importants qui sont susceptibles d'engendrer plus rapidement des profits élevés qu'ailleurs, mais d'ailleurs aussi, comme on sait, des pertes qui peuvent être spectaculaires. Le capital auquel l'individu applique son travail dans l'industrie financière, il a une particularité tout à fait remarquable, c'est que c'est un capital liquide. Il est assez facile d'augmenter la taille du fonds ou des investissements qu'on va confier à un jeune talent plutôt qu'à un autre, tout simplement en réallouant les capitaux. À l'inverse, il paraît beaucoup plus compliqué de confier rapidement et sans obstacle à un manager talentueux qui a réussi à augmenter les performances de sa raffinerie de pétrole la direction d'une deuxième raffinerie. C'est un peu plus difficile. Il y a une rigidité du capital physique dans le cas de la raffinerie qui pose donc des limites à l'effet multiplicateur du talent de cet ingénieur-manager, alors que le rendement du talent dans l'activité en finance est directement observable dans l'augmentation de son aire d'activité, du volume des fonds qu'il manie et de la taille des projets qu'il mène. Une fusion-acquisition à 10 milliards, ça n'est pas la même chose qu'une fusion-acquisition à 10 millions. Mais évidemment, cette talent scalabilité implique une échelle des risques en même temps que des profits espérés. Pensons à l'affaire Kerviel. D'où le fait que, dans l'industrie financière, plus qu'ailleurs, la pratique de la rémunération à la performance est beaucoup plus développée. Les auteurs de l'étude, Sellerier et Vallée, notent que on rémunère à la performance 65% des salariés. Et la part du variable, qui est donc conditionnelle à la performance, par rapport au fixe, est beaucoup plus importante qu'ailleurs. C'est ce qui conduit à distordre d'ailleurs les incitations. La prise de risque et le profit à court terme, qui sont générateurs de bonus et de gratifications sur différentes formes, les salaires, les actions, les salaires différés, les promotions, les éventuels golden parachutes, éclipsent les objectifs à long terme. Et chaque crise financière rappelle invariablement ce problème et chaque intervalle entre les deux crises pousse à oublier le problème dans une course sans fin entre régulation, spéculation sur les talents, compétition globale et comportement déviant. C'était les cours du Collège de France. Vous venez d'écouter le 2 mars 2018 le cours de Pierre-Michel Minguer, Qu'est-ce que le talent ? Élément de physique sociale des différences et des inégalités. Aujourd'hui, introduction, deuxième partie. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens, la vidéo et les informations autour de cette diffusion, ainsi que l'ensemble des cours de Pierre-Michel Minguer. Sa leçon inaugurale a été publiée chez Fayard en 2014 sous le titre « La différence, la concurrence et la disproportion, sociologie du travail créateur ». La même année a été édité en poche en point seuil son ouvrage « Le travail créateur, s'accomplir dans l'incertain ». Et plus récemment, il a dirigé avec Simon Paille aux éditions du Collège de France « Big data et traçabilité numérique, les sciences sociales face à la quantification massive des individus ». Prise de son, mixage, Jean-Michel Bernot. Réalisation, Ghislaine David. Iconographie web, Claire Poinsignon. Présentation, Meryl Moneghetti. Demain, nous poursuivrons notre enquête autour de la notion du talent en compagnie de Pierre-Michel Minguer. Il sera question du monde high-tech. Et dans quelques instants, nous retrouvons les petits matins. Belle journée à l'écoute de France Culture.